Il est 16h04 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue dans l'émission Lusitane Passion en compagnie de Carla. J'espère que vous allez bien malgré un peu ce mauvais temps. Il fait pas chaud, il fait gris. Mais bon, on va garder la bonne humeur avec de la bonne musique. Et un peu plus tard dans l'émission, j'aurai plaisir d'avoir en interview téléphonique une chanteuse qui s'appelle Elisa. Vous en saurez plus en même temps que moi. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas faire cette émission jusqu'à 18h comme habituellement. Donc ça sera certainement jusqu'aux alentours de 17h, 17h15, mais c'est exceptionnel, ça sera juste aujourd'hui. Donc on va profiter ensemble à fond de l'heure qu'on a devant nous. On parlera de météo, de sorties, de choses à aller voir et à découvrir. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de bonne musique. À tout de suite. Cherche un mec posé qui n'aspire qu'à s'engager. Donc pour moi c'est fait. Elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées. Elle fait beaucoup trop d'esprit. Voilà, mais je la croquer. Yeah. Je lui dis que j'aime m'amuser. Il me répond qu'elle apprécie mon franc-parler. Original et décalé. Qu'on ne peut me comparer. Parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer. Original et décalé. Quoi qu'elle dise, elle est déjà piquée. Je ne suis pas son amie, ça non, elle peut l'oublier. Yeah, yeah. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait. Me répond qu'elle adore, mais adore mon franc-parler. Oh. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer. Parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer. Parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïma. Laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi. Oh, maman, non, elle a kiffé, kiffé, kiffé, kiffé, qui non, non, a kiffé, kiffé, kiffé, original et décalé, qu'on ne peut nous comparer, parfois complètement. Aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe

d'abord si je te demande encore de me raconter l'histoire des gens qui s'aiment une nuit, des gens qui s'aiment une vie. Avec Olaf, une musique bien rythmée. Mais avant, je voudrais vous parler météo. Donc, de base, aujourd'hui, il ne devait pas avoir ce temps-là. Et puis, on n'a pas ce temps-là. Et puis, il nous annonce une semaine printanière la semaine prochaine. Et puis, quand on regarde de plus près, pas si printanière que ça. Donc, à part vous dire, ça peut changer. Après, au niveau des températures, on n'est plus dans les gelées. On est dans les températures, on va dire, moyennes de saison, avec à peu près 6-7 le matin et puis 14-16 l'après-midi. Demain, ça va être entre éclaircies et nuages normalement. Et vers la fin de semaine prochaine, ça devrait se réchauffer. D'ailleurs, quand je regarde, là, on nous annoncerait pour dans une semaine, samedi prochain, 21 l'après-midi. J'espère que c'est vrai, que cette journée-là va pas changer. Et pour le reste, on verra bien. Hein. C'est pas nous qui décidons, malheureusement. Donc, je vous laisse en compagnie de Gradure avec La Mala. Tu m'as dit qu'elle m'a vu à la télé. por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me quemas. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me quemas. Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando. Que suba la temperatura. Dama y caballero, gente de zona. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Me caliente el pan, je m'en fous, j'assume, oui je l'aime. Personne peut la blairer, mais c'est ma go et je l'aime. Elle me fatiguer. Oui, c'est ça même, mais je l'aime. Mon moteur a serré en pensant à elle, mais je l'aime. Elle va m'enterrer, mais je prends le risque, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh. Oh, les frérots, ça va ou quoi? Bien. Doucement ou quoi? Wesh, frérot, ça va ou quoi? Bien. J'ai écrit un texte hier soir, écoutez, écoutez. En loose D, j'ai listé, qui prétend faire la monnaie sans risquer. On va te monter en l'air sans fusée. Je traîne avec des gros bonnets sans 10 D. Poteau, faut que t'arrêtes. Poteau, faut que t'arrêtes. Poteau, faut que t'arrêtes. Poteau. T'es sérieux là? T'étais pas censé être chez ta mère? Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mais oh. On me dit de la quitter. Mais c'est trop tard, je suis piqué. Personne ne l'a validé. Personne, non. Je suis menotté, chadada. Je suis en GAV, chadada. Interdit de snapper, chadada. Je voudrais l'échanger, chadada. Mais elle m'a emmené si haut que je suis prêt à prendre ses défauts. C'est plus fort qu'elle, elle est genounée. Toute ma vie, je la ferai avec cette princesse-là. J'ai cherché, j'ai trouvé, maintenant je baisse les armes. Oh. Dès que j'en ai gaspillé d'état et d'état. Oh. Parle-moi, oh. Traite-moi, zappe-moi, je m'en fous, j'assume, oui je l'aime. Personne peut la blairer. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et normalement on a en ligne avec nous Anne. Ah, j'ai pas réussi à faire la manipulation, comment je vais faire? On recommence. Batterie déchargée, je suis en GAV, je voudrais les changer, mais c'est ma moitié. Batterie déchargée, je suis en GAV, je voudrais les changer, mais c'est ma moitié. Personne peut la blairer, mais c'est ma go, mais je l'aime. Elle va me fatiguer, oui, c'est ça même, mais je l'aime. Mon moteur a serré en pensant à elle, mais je l'aime. Je l'aime, oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh. Oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh oui je l'aime. Oui je l'aime, mais oh. Allô? Ouais, je suis désolée, je fais. En plus je la fais bien. Là, est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends. Enfin, ah. J'ai réussi. Alors, j'ai toujours du mal avec ce téléphone et pourtant je fais là exactement la même manipulation et ça a fonctionné. Écoute. Bon, faut pas chercher à comprendre. Voilà, je vais pas chercher à comprendre. Le principal, c'est que j'étais enfin à l'antenne. Bonjour Elisa, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va aussi, je te remercie. Alors il fait quel temps? Je crois que t'es de Limoges, hein, on peut le dire? C'est ça. Alors il fait quel temps à Limoges? Donc, il fait plutôt beau, il est plutôt bon. Ah oh, la chance! Nous il fait gris et froid et venteux. Ah ouais, ça c'est moins cool. C'est moins cool, mais bon, au moins les auditeurs peuvent rester au chaud et nous écouter. Donc déjà je te remercie d'avoir accepté notre interview. C'est grâce à Walter que je t'ai découvert. Donc on fait un petit coucou à Walter s'il nous écoute. Merci à lui, puis encore merci à lui. Oui, merci à lui. Il me trouve toujours des petites pépites que je peux interviewer. Et donc tu es chanteuse. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Alors, ça fait une bonne dizaine d'années. En fait, depuis que je suis petite, je chante, mais plutôt de manière cachée chez moi. Mm-hmm. Mais ça fait à peu près depuis le confinement, donc depuis 2-3 ans, que je me suis un petit peu dévoilée sur les réseaux sociaux et que j'ai pu un peu plus avancer musicalement. D'accord. Alors, t'es tombée dans la musique de quelle façon depuis toute petite? Est-ce que dans ta famille, il y a des chanteurs? Alors pas du tout. Enfin, mais mes parents, ils aiment beaucoup la musique, mais je suis pas née d'une famille artiste. D'accord. Et en fait, c'est juste que c'est devenu une passion. Mm-hmm. Et du coup, j'ai chanté énormément sur chez moi avec des karaokés devant ma télé, etc. D'accord. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un piano, mm-hmm. pratique que j'ai toujours voulu avoir. Et puis j'ai appris sur internet et ça m'a poussée à chanter puisque je m'accompagnais. Mmh. Et puis au confinement, j'ai eu quelques proches qui m'avaient entendu chanter, qui m'ont dit des amis et ma famille, qui m'ont dit bah faudrait peut-être essayer de poster sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit allez pourquoi pas. Et puis de là, du coup il y a un ami de mon père qui s'appelle Jean-Paul Choufour qui a parlé de moi à Walter. Mmh. Et puis Walter après m'a fait passer à la radio. Et puis de là après le chemin a pu commencer. D'accord, c'est top, autodidacte au final. Oui, on peut dire ça, oui. Juste le piano ou d'autres instruments? Un tout petit peu le ukulélé, mais j'ai vite le laissé un peu de côté, mais je commence à apprendre un peu à la maison. D'accord, j'aime beaucoup cet instrument. Ça me fait penser à Julien Doré, du coup, parce que je pense que c'est c'est celui qui est le plus connu sur la scène française qui utilise cet instrument, je crois. Oui. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire des duos? Oh, il y en a plein, oui. Alors, des artistes masculins, j'aime beaucoup, beaucoup Slimane. J'aime oui. beaucoup ce qui dégage. J'aime beaucoup Vianney et Big Flo et Oli aussi. Mmh. Après, des artistes féminines, bah, la principale, c'est Angèle, puisque je la cite même dans ma première chanson. C'est vraiment, je suis fan de son côté, de son image artistique. Oui. Qu'elle dégage, oui. de ce dont pourquoi elle se bat tous les jours. Exactement, elle véhicule des messages assez forts et dont tout le monde devrait se préoccuper au final. Exactement, oui. Après, j'aime beaucoup Pomme aussi, j'aime beaucoup oui. Clara Luciani. On a les mêmes goûts, hein. Ah, ben. Donc voilà, il y en a plein. D'accord. Et quel est le titre de ta première chanson? Je rêve. Ben justement, je l'ai calé pour qu'on l'écoute à la fin de l'interview. Ah, super. Et est-ce que c'est toi qui as écrit les paroles de cette chanson? Oui. D'accord. Oui, c'est moi qui ai écrit les paroles de cette chanson et de la deuxième, Désert d'espoir aussi d'ailleurs. D'accord. Très bien. D'où te vient l'inspiration du coup? Et ben en fait, je m'inspire principalement des faits de ma vie. Mmh. Alors, Je rêve, elle se base sur tous mes rêves les plus fous, les plus absurdes. Et voilà, c'est des rêves d'enfance, des rêves aussi que j'ai encore actuellement. Mmh. Et j'ai voulu mettre ça en chanson parce que la chanson, c'est aussi un moyen d'expression. Puis j'avais envie de je sais que mes rêves, parfois, ils sont un peu enfantins, mais j'ai envie de lever un peu tous les tabous et de me dire que bah, même quand on a 20, 30, 40, 50 ans, on peut continuer de rêver. Bien sûr. Même si c'est des rêves peut-être absurdes, on les a tous dans un coin de notre tête. C'est juste mm-hmm. qu'à partir d'un certain âge, on les exprime plus trop. Et du coup, voilà, c'est comme je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, ben, j'avais envie de faire une chanson sur ça. D'accord. Et après, Désert d'espoir, je m'inspire aussi. Ben, Désert d'espoir, je me suis inspirée d'un fait de ma vie qui s'est passé l'année dernière. Qui est en train de se terminer, c'était des soucis médicaux. D'accord. De l'oreille, et du coup, j'avais envie de mettre en chanson aussi pour pas tourner la page, comme avait dit Walter. En fait, c'est pas pour oublier le problème, c'est juste pour pouvoir l'exprimer. Oui. Et puis pour, au contraire. Une thérapie, quoi. Du coup, avec cette chanson, c'est ancré, ça fait partie de ta vie, on va dire, histoire. C'est ça. D'accord. D'autres, là aussi, c'est toi qui l'as écrit. Oui. Les mélodies aussi, c'est toi qui les as jouées. Alors les accords, c'est moi qui les trouve généralement. Mm-hmm. Alors pour Désert d'espoir, c'était pas les accords ceux-là de base qu'on devait utiliser. Puis en fait, je travaille avec un producteur qui s'appelle Antoine Vaucher. D'accord. Et du coup, ben comme les accords étaient un peu, disons que le nombre d'accords était un petit peu difficile à travailler. Donc du coup, il m'en a proposé d'autres et puis on travaille ensemble comme ça. Mais disons que la mélodie première, je la trouve à la maison sur mon piano et ensuite on la travaille plus profondément avec le producteur. D'accord. Et d'autres idées ou déjà des textes de près Oui. Il y a déjà deux textes que j'ai travaillés, donc deux textes supplémentaires, mais un qui est vraiment en train de se travailler en studio, qui devrait sortir courant juin-juillet peut-être. D'accord. Et dont tu as déjà trouvé le titre? Oui. Le titre s'appellera, alors normalement il n'y a rien de très très fixe, mais normalement ça devrait être Piano. Piano. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler ou c'est trop tôt? Ah non, non. Enfin, le texte ne va pas changer, donc je peux tout à fait en parler. En fait, il s'agit du. En fait, dans cette chanson, je parle autant d'un instrument, donc du piano, mm-hmm. que d'une histoire d'amour. En fait, j'utilise les termes musicaux de tout ce qu'on peut trouver dans un piano, percussions, vibrations, cordes, etc. Mm-hmm. Et en fait, j'utilise ces mots-là pour exprimer aussi une histoire d'amour que j'ai vécue. D'accord. Ah, j'ai hâte de l'écouter du coup. Ça doit être magnifique. Et donc le but, au fur et à mesure, tu vas écrire tes chansons, ça va être de faire ton premier album. Ouais, ben j'espère, c'est mon objectif oui. de pouvoir sortir un album un jour. Alors c'est vrai que comme j'ai pu expliquer dans d'autres interviews, c'est toujours délicat parce que je fais pas ça à plein temps, je travaille à côté. Donc du coup, ça nécessite vraiment énormément de temps pour écrire, composer des chansons et les sortir. Bien sûr. Un investissement qui est chronophage et qui coûte de l'argent aussi. Et du coup, je sais pas jusqu'à quand je tiendrai ce rythme-là, disons. Mais pour sortir un single, déjà, c'est 3-4 mois de travail puisque je peux pas me faire ça vraiment à toute la journée. Plein, ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour sortir un album, ça nécessiterait que je sorte rien pendant un grand moment. Et comme j'ai pas encore une accroche certaine avec le public qui m'écoute, je peux pas me permettre de rien sortir, même bien si je sors que couvert. Il faut que je sorte du contenu pour pouvoir maintenir le lien, quoi. Donc disons que si j'ai l'opportunité d'avoir un contrat avec un producteur qui me permet de vivre quand même de la musique, ce serait tout à fait envisageable, mais pour l'instant, c'est trop tôt. D'accord. Et est-ce que, je passe du coq à l'âne, des émissions telles que The Voice, c'est le type d'émission à laquelle tu aimerais participer ? Alors oui, totalement. The Voice, ça fait 5 ans que je tente ma chance. Cette année, j'ai été présélectionnée. D'accord. Mais je suis pas allée jusqu'à Paris, j'ai pas passé l'étape d'après, donc je vais retenter cette année. Bien sûr. Je vais retenter l'année prochaine s'il le faut. Je vais pas laisser tomber. Après, je sais qu'il existe aussi la Star Academy, ces choses-là. Je suis moins dans ce délire-là, puisque je trouve que ça fait un peu télé-réalité. Et je pense que je suis pas assez, peut-être, mon caractère peut-être ne correspondrait pas à ce genre d'émission. D'accord. Mais après, je suis pas non plus fermée ce genre d'opportunité. Bah après, pour les avoir suivis, je trouve que la dernière Star Academy n'avait rien à voir avec les premières au final, où vraiment il y avait on avait l'impression que les caméras étaient centrées sur les histoires, etc. Et là, au final, c'était, je vais dire un terme entre guillemets, un peu fleur bleue. Hein. C'était vraiment très axé justement sur la musique, sur l'apprentissage. Ouais, et du coup, j'ai pris goût à regarder cette saison-là. Et c'est vrai que je crois qu'il y a un casting en ce moment pour qu'ils refassent une saison. Oui, en effet, oui. Donc, pourquoi pas? Oui, je ne suis pas fermée. Non, ouais, il faut aimer, c'est bien. Bah, tu vois, tu fais bouger tes rêves, je vais dire ça comme ça. On essaye en tout cas. Et est-ce que tu pourrais nous, au choix, la chanson que tu veux, nous chantonner un refrain ou plus, tout ce que tu souhaites. Je vais faire le refrain de Désert d'espoir, la dernière, pour la promouvoir un petit peu. D'accord. Allez, a cappella du coup. Oui, a cappella, okay. C'est encore plus beau. Allez, c'est parti. On t'écoute. J'ai le moral qui est inné et ça m'empêche de chanter. Monsieur, il faut chercher madame, je suis désolée, non monsieur n'a pas trouvé, alors madame, il faut m'aider. Parce que monsieur m'a oublié. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop beau. Merci. C'est trop beau. Et je voulais te demander, alors sur quel réseau on peut te trouver? Oui, alors sur Instagram, je suis principalement active sur ce réseau-là. Donc c'est Elisa-STS. Oui. Et après, j'ai aussi une page Facebook où je poste un petit peu le contenu d'Instagram et c'est Elisa Musique. Elisa Musique, parfait. Et après, mes chansons, elles sont trouvables sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, etc. Et puis sur YouTube aussi. D'accord. Sous le nom Elisa ? Oui, Elisa, tout simplement. Elisa, tout simplement. Comme la chanson de Gainsbourg. J'aime beaucoup. On me l'a souvent sortie. Oui, oui, elle est magnifique cette chanson. C'est vrai qu'elle est jolie. Oui. Très bien. Dans tous les cas, moi, je vais la partager également sur mes réseaux, de nouveau. Comme ça, après l'interview, les gens... Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu, je vais aller voir, etc. Et en tout cas, moi, je vais continuer de te suivre. N'hésite pas. Tu seras toujours la bienvenue. Dès qu'il y a une nouvelle actualité musicale, on va te suivre et faire découvrir à l'antenne chaque nouveauté. Merci bien. C'est moi qui te remercie du temps que tu as accordé à l'antenne. Et puis, désolée encore pour le petit souci technique, mais j'en fais à chaque émission. Non, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup. Et merci à toi. Merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bonne journée et aussi. Salut. Et on écoute. Hop. Et on écoute Elisa avec le titre Rêve. Pas loin de 15 ans qu'Elisa a découvert sa voix, la musique et le chant constituent la deuxième vie de cette jeune femme, travailleur sociale au Val-de-Laurence. Je suis référente jeunesse actuellement dans un centre social au Val-de-Laurence. Donc je m'occupe des jeunes de la tranche d'âge 15 à 25 ans et je les accompagne dans leurs démarches individuelles, je fais aussi des actions collectives, voilà. Ça veut dire que vous vous intéressez aux gens ? Oui. Le travail social, c'est quelque chose qui va toujours... un peu animée. J'ai toujours su que je voulais travailler avec l'humain. Alors le soin, le social, au début, je savais pas trop. Et puis finalement, voilà, maintenant, je suis dans le social. Je rêve d'une maison en barbe à papa. Je veux voir ma piscine en chocolat. Je veux me téléporter une journée dans GTA. Je rêve de chanter avec Angèle sur la scène de Coachella. Ce serait chouette de pouvoir faire le tour du monde à vélo, de rencontrer des gens, même des super-héros. Je voudrais voler dans les airs, secourir des petits chiots. Je rêve de traverser des airs sans jamais manquer d'eau. Je rêve d'être une star, d'attendre mon tour dans ma loge. Je me vois déjà dans le miroir en train de repenser à l'image. La musique m'aide un petit peu à évacuer, à pouvoir m'exprimer d'une autre façon. Il y en a qui vont se défouler par le biais du sport, moi ça va être la musique. Mais on va pas se mentir, je fais pas des rêves tous les soirs. Il m'arrive aussi de faire mes pires cauchemars. Je dis pas que l'amour ça résout tout, mais ça aide bien quand même. Ça aide bien quand même. Oh, oh. Je rêve de jour, je rêve de nuit, je rêve toujours de milieux, des lieux subtils dans le ciel et parfois même de l'univers. La voix en fait elle s'est forgée, j'ai pris en maturité au niveau de la voix avec les années en fait à force de chanter, mais j'ai jamais pris de cours de chant. Et le piano c'est un petit peu pareil, c'est un rêve de gosse en fait. J'ai toujours rêvé faire du piano sauf que ça coûte assez cher, et puis avec les années j'ai eu la chance d'en avoir un et d'apprendre sur YouTube, sur des plateformes, sur internet. Moi ça m'est tombé un petit peu dessus par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Instagram. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Antoine, de nom d'artiste Stan Head, qui m'a proposé de poser ma voix sur certaines de ses chansons. Et puis, en échange de bons procédés, il m'a proposé de travailler sur mon premier single, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. Donc... Je rêve d'adopter un éléphant comme on adopte un chat. Il n'y a pas de rêve trop grand pour moi. Et comme beaucoup d'enfants, je rêve de marcher sur la lune. Et comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y a pas de rêve trop grand. Esperando, me sientes que yo no aguanto. Y repetimos los besos, esos que nunca he sentido en otra boca. Esos por los que te vuelves loca. Besos, esos que nunca te han hecho sentir culpable. Porque lo que aquí yo sé queda entre tú y yo. Il est 16h48 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Comme je vous avais expliqué en début d'émission, pour des raisons personnelles, je vais devoir partir plus tôt et ce sera vers 17h. Je vous laisserai en compagnie de la RDP internationale. Et pour tout à l'heure, suite à l'interview de Elisa, j'ai remis un bout d'interview par rapport à son titre « Je rêve ». Et là, on va avant la fin de l'émission, on va écouter son titre en entier, « Je rêve ». J'ai encore fait une erreur technique, j'avoue, mais comme d'habitude. De toute façon, je crois que je n'ai pas une émission où je n'ai pas fait une erreur technique, en fait. Mais on va dire, comme je dis à chaque fois, d'ailleurs, il me semble que je me répète, c'est ce qui fait mon charme. Et du coup, on va passer ça. Je voulais également remercier notre auditrice de nous avoir appelé, Manuela, qui nous appelle pratiquement chaque semaine. Donc, je te remercie pour ta fidélité à mon émission, mais également à toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Je t'embrasse très très fort et je te dédicace cette chanson de Elisa qui s'appelle « Je rêve ». Moi, je rêve à des jours meilleurs, j'avoue. Bon, allez, je vous passe la musique et puis on revient pour se dire au revoir. Elle me rend fou, abusadora, que te devora. Dans un plus regard, se fait tourner la cabeza. Abusadora, que te devora. C'est une femme totalement venenosa. les soirs. Il m'arrive aussi de faire mes pires cauchemars. Je dis pas que l'amour ça résout tout, mais ça aide bien quand même. Ça aide bien quand même. Oh oh. Voilà, vous venez d'écouter Je rêve de Elisa. Vraiment, le texte est magnifique, la voix est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle puisse aboutir à ses rêves. Excusez-moi. Je vous passe un petit peu de musique parce que j'ai encore un problème technique comme d'habitude. Que sale, baila, disfruta de la vida. Una más, una más. La noche ya se calienta. Je suis désolée. Toujours un. Du coup, donc je vous disais, oui, Elisa, elle a vraiment une voix magnifique. Et puis les textes, vraiment, ils sont poignants. Hein, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle puisse accéder à ce rêve d'écrire un album, d'être produit, parce que vraiment, elle le mérite et on doit tous connaître sa musique. En tout cas, je vous invite à la suivre. Je vais poster les liens sur ma page Instagram Minika Carlita et également sur ma page Facebook Carla Ferreira Orléans. Donc je vous remercie pour votre écoute. Malheureusement, comme je vous disais, je vais devoir vous quitter plus tôt aujourd'hui à 17h au lieu de 18h. Je vous laisse avec la RDP International. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine et si tout va bien, ça sera un 16h-18h. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao. na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40.